Je veux se dit quiero. Quiero. Hein? Quiero, c'est je veux. Et aussi, j'aime. Alors, quiero, qui s'écrit Q-U-I-E-R-O. Hein? Quiero, hein, comme en français, Q-U se prononce Q. Donc, quiero, c'est je veux. Encore une fois, quand le mot se termine par une voyelle, on doit insister sur la 20e syllabe, qui est la syllabe accentuée. Ici, dans quiero, quiero, il n'y a que 2 syllabes. On accentue donc la première des 2 syllabes sur quiero. Quiero. C'est sur cette syllabe que vous insistez à l'oral. Tengo. Quiero. Quiero. Je veux. Alors, comment direz-vous « je le veux » ? Lo quiero. C'est ça. Lo quiero. Je le veux. Et je ne le veux pas comme ça. No lo quiero. Attention, hein? Non pas quiero, mais quiero. Quiero, hein? No lo quiero. Así. C'est ça. No lo quiero así ou así no lo quiero. Je ne le veux pas comme ça.